Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL et nous allons ouvrir l'émission en regardant la ville de haut. Alors, on y voit une myriade de toitures sombres et quelques îlots de toits verts encore rarissimes. Les avantages de verdir les milieux urbains sont nombreux et la majorité des citoyens, en fait, voient d'un bon œil les projets de verdissement urbain. Ces projets peuvent aller de la simple plantation d'arbres à la réalisation de potagers communautaires ou de plates-bandes en bordure des trottoirs et de bâtiments tels des écoles. Mais certains projets consistent à végétaliser des espaces depuis longtemps considérés comme hostiles à la survie des plantes grâce à l'utilisation d'une technique ancestrale, le toit végétal. Alors, pour nous en parler, j'accueille Geneviève Gay. Bonjour Geneviève. Bonjour François. Alors oui, on entend de plus en plus parler des toits végétaux. Alors, comme tu disais, c'est une technique qui ne date pas d'hier. On peut même dire qu'elles sont préhistoriques parce que dès que les humains ont opté pour des habitations fixes, la sédentarisation, bon, ils ont recouvert leurs toitures et leurs murs de végétaux. Il faut savoir que même s'il s'agit d'une technique ancestrale, les toits végétaux connaissent en ce moment un regain de popularité depuis que des expériences européennes, notamment, ont démontré les bénéfices des toits végétaux, que ce soit pour l'atteinte d'objectifs d'esthétisme ou de durabilité, de restauration et de protection de la biodiversité, l'amélioration de la qualité de l'air ou simplement en tant que mesure d'atténuation des îlots de chaleur urbaine. Mais quand on dit toit vert, on a en fait tout de suite une image qui nous vient en tête, mais concrètement, qu'est-ce que c'est qu'un toit vert? Ben, en résumé, un toit vert, ça consiste à recouvrir la toiture d'un substrat sur lequel on va planter des végétaux adaptés aux conditions environnantes. Un toit vert, c'est constitué essentiellement de 5 composants. En partant du support de toit, bon, ben, on y va par couche, si on veut. En partant du support de toit, on retrouve la structure portante sur laquelle on va poser une couche d'étanchéité. Mm-hmm. Ceci, bon, pour pas que l'eau puis les racines pénètrent jusqu'au bâtiment. On ajoute ensuite une couche de drainage ou de filtration, le plus souvent sous forme de galets. Puis vient le substrat de croissance adapté qui peut être très léger, pauvre et absorbant. Là, on pense aux billes d'argile, ce genre de substrat-là. Ou le substrat va être de nature plutôt végétale. Ça dépend de l'utilisation qu'on veut faire du toit et des conditions environnantes. Enfin, bon, on va planter des végétaux qui vont être judicieusement choisis. C'est très important, cette étape-là. Il faut se rappeler que l'épanouissement des plantes du toit végétal peut prendre quelques années, d'où l'importance de prévoir aussi une méthode d'entretien et d'arrosage. Le toit, bon, on recommande une pente quand même minimale d'un ou deux degrés pour que l'écoulement se fasse naturellement vers les drains. Mais il faut qu'il y ait quand même une pente, ça ne peut pas être zéro, il ne faut pas que ce soit vraiment plat. Non, parce qu'à ce moment-là, on risque d'avoir des problèmes de stagnation. Uh-huh. C'est important quand même de faciliter un certain écoulement. Qu'il y ait un écoulement. C'est ça. Mais non plus, il ne faut pas que ce soit exagéré comme pente. On dit n'excède pas 35 degrés. Sans parce que un mur. Exactement. Uh-huh. C'est un mur, on parle de mur végétal, ça c'est une autre technique. C'est semblable, mais c'est différent, donc ça pourrait faire l'objet d'une prochaine chronique. Et est-ce qu'il existe plusieurs types de toits verts? Oui, ben en fait, depuis les années 1970, il y a de plus en plus de nouvelles façons de faire qui ont vu le jour. Puis les techniques des toits verts vont se perfectionnent sans cesse depuis ce temps-là. Les systèmes de verdissement de toits sont aujourd'hui très variés, puis se présentent sous plusieurs formes. Ça peut aller du tapis, simplement le tapis pré-végétalisé, ça passe, on pense à une station d'arrosage automatisée, on pense à des caissons emboîtables, autodrainants, puis même au toit jardin. En fait, bon, la forme que va prendre le toit végétal va dépendre du milieu où on l'intègre. Est-ce qu'on se situe en climat sec ou humide, froid ou chaud? C'est une question importante à se poser avant même de concevoir le toit. Est-ce que la structure du bâtiment permet d'installer un toit végétal? C'est très important. Oui. Effectivement. Règle générale, l'intégration d'un toit vert va être beaucoup plus facile si on le planifie dès la conception du bâtiment. Mais il est possible de le faire sur les constructions existantes, sauf que certaines adaptations peuvent être nécessaires et souvent sont nécessaires, notamment notre supplémentaire. Mais qu'est-ce qui peut motiver l'installation d'un toit vert? Ben, les avantages des toits verts sont très nombreux, qu'ils soient utilitaires, là, on pense au potager, ou d'agrément, là, simplement des jardins, on met des petits bambes, on va se reposer là. Dans tous les cas, les toits verts sont intéressants au niveau écologique et sanitaire. Bon, ils vont fixer les poussières et les pollens, notamment lors de la formation de la rosée. Les polluants vont être captés par les plantes et lessivés dans le substrat, qui vont être ensuite digérés ou assimilés par les micro-organismes. Uh-huh. De plus, les végétaux vont contribuer à la diminution du CO2. Oui, parce qu'ils l'absorbent effectivement, ils transforment en oxygène. Via la photosynthèse, exactement. Uh-huh. Les toits verts diminuent la chaleur par la réflexion de la lumière et par l'évapotranspiration du sol et des plantes. Aussi, en retenant l'eau de pluie, bon, ils vont abaisser le débit de pointe lors des pluies fortes, puis ils vont abaisser de cette façon-là la surcharge des réseaux d'égouts. Oui, parce qu'ils servent de tampon, finalement. Et voilà, tu as tout compris. Lorsqu'ils sont accessibles, c'est-à-dire quand on peut aller en profiter, bon, les toits verts deviennent des espaces qui sont fréquentés par les gens et contribuent à leur bien-être. De plus, bon, ils font favoriser la biodiversité au niveau des insectes, des oiseaux en milieu urbain. Ben, pour cela, ben, le choix des végétaux, comme je le disais, doit être fait judicieusement afin de créer des biotopes adaptés. Un exemple, bon, à Londres, il y a un toit vert qui a été désigné réserve naturelle parce qu'il a été conçu pour reproduire l'habitat d'une espèce d'oiseau qui était en déclin, le rouge-queue noir, en tant que puis a été reconnu en tant que mesure de mitigation efficace à la perte de l'habitat de cet oiseau-là. Donc, il y a un toit qui est considéré réserve naturelle. C'est quand même incroyable. On voit l'importance de ces, de ces techniques-là en milieu urbain. Mais d'un point de vue plus technique, est-ce qu'il existe des avantages à installer un toit vert? Oh oui, ben oui. Au niveau, justement, bon, la durabilité du confort notamment. Les toits verts sont réputés durer au moins deux fois plus longtemps que les membranes, particulièrement bon, à cause de leur résistance aux ultraviolets. Ça fait que les plantes résistent très bien aux UV. Oui, c'est ça. Alors que les membranes noires, ben, sont facilement dégradées, vont être facilement dégradées par les ultraviolets. C'est sûr qu'ils se sont beaucoup améliorés, mais quand même, peu importe la membrane, la meilleure qualité va quand même se dégrader deux fois plus rapidement qu'un toit vert. Puis en été, ben, les toits verts ont une inertie thermique que les toits à membrane n'ont pas. Leur température va rester plus ou moins constante entre 15 et 20 degrés, ce qui diminue les besoins de climatisation du bâtiment qui est en dessous. En hiver, les toits végétaux vont réduire aussi les pertes de chaleur, mais cet impact est quand même moins important qu'en été. Mais il est significatif, il est notable. Aussi, bon, les toits verts vont absorber les ondes sonores. Ce petit détail peut être très intéressant pour ceux qui vivent près des autoroutes ou à proximité des aéroports, par exemple. Puis enfin, ben, selon Environnement Canada, l'aménagement des toits verts sur une superficie de 6 % des surfaces disponibles en milieu urbain ferait chuter la température en ville de 1 à 2 degrés, ce qui se traduirait par une diminution de 5 % de la demande d'électricité liée à la climatisation. Mm-hmm. Les économies de chauffage seraient également importantes en hiver, d'où une réduction des gaz à effet de serre à long terme. Est-ce que tu connais d'autres impacts positifs liés à l'installation de toits verts? Ben, on pense tout de suite aux impacts paysagers. Imaginez, là... Tout de suite, la qualité visuelle qui pourrait être offerte aux gens. Faites juste vous imaginer sur l'autoroute Henri IV, là, quand on arrive, on descend dans la ville, on a tout le grand centre industriel qui est là, les quartiers industriels. Mais imaginez si c'était ouvert. Oui, ça serait magnifique. Impact, pour l'accueillir, les gens, ça serait incroyable. Ça ferait vraiment une distinction là, au niveau de quartier industriel. Bon. Au niveau point de vue économique, un toit vert va ajouter une plus-value au bâtiment, surtout quand le toit vert est accessible. Quand une entreprise ou une organisation installe un toit vert sur son bâtiment, ben, ça traduit son engagement social et environnemental. Oui, c'est fait. Ça offre une très bonne visibilité médiatique aussi. D'un point de vue social, un toit vert et vivant contribue à l'embellissement du cadre de vie urbain et du milieu de travail. Faites juste penser, vous êtes pris dans votre bureau à longueur de journée, si vous aviez l'option, vous voyez, là, vous les voyez les toits gris et inertes, mais imaginez si c'était vert, vous pourriez aller vous reposer. Mais dans les faits, quand ça arrive, quand on verdit un toit vert, ben, les gens ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus grand et sont beaucoup plus heureux d'aller travailler parce qu'ils ont cette option-là, que le rideau ferme. Donc, pour le social, c'est quand même très important. C'est vrai que c'est important, ça, parce que moi, je travaille au 29e étage du complexe G, et lorsque je regarde la ville en bas, tout ce que je vois, c'est des toitures noires. Et si tout était vert ou, en fait, plus vert, ça serait vraiment beaucoup plus beau comme coup d'œil. C'est ça. Puis si tu avais la possibilité d'y aller en plus, ça l'agrémenterait beaucoup ton milieu de travail. Mais Geneviève, si les avantages sont si nombreux, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas plus de toits verts au Québec? Ben, c'est une question de reconnaissance de la technique, de la reconnaissance de cette expertise-là, aussi de disponibilité du savoir-faire. C'est émergent. On en voit de plus en plus d'experts en bâtiment qui vont se spécialiser dans l'installation de toits verts. Aussi, une acceptabilité sociale. Il y a des études qui sont faites à ce niveau-là pour justement étudier la perception que les gens ont des toits verts. Généralement, c'est bien accepté, mais il y a toujours des réticences quand on ne connaît pas quelque chose. On a des idées préconçues. Les gens ont peut-être peur que ça fasse couler la toiture aussi. Il y a toutes sortes d'idées préconçues. Uh-huh. Donc, au niveau de l'acceptabilité sociale, il y en a qui auraient probablement des réactions du poids dans la cour. Oui, c'est ça. OK, faites-le chez vous, mais moi, j'ai des hésitations. Il y a aussi, au niveau des coûts supplémentaires, oui, ça coûte plus cher implanter un toit végétal. Donc, il y a une petite réticence à ce niveau-là encore. Puis, c'est pas facile au Québec d'implanter un toit végétal pour toutes ces raisons-là. Il y a plusieurs municipalités, en plus, qui ont des restrictions au niveau de l'intégration des toits végétaux sur des bâtiments existants ou projetés. Justement, quelles sont ces restrictions qui sont à considérer? Bien, l'implantation d'un toit végétal ne se fait pas à la légère. Là. N'installe pas un toit végétal qui veut. Là, donc, il faut que la structure soit suffisamment forte pour supporter l'ajout d'un substrat de culture puis de végétaux. Sans compter tout le poids d'eau que ça va absorber, là, parce que de l'eau, c'est très pesant. C'est très pesant, c'est ça. L'étanchéité doit être parfaite, justement, pour éviter des problèmes de condensation, de moisissure, etc. La pente doit être ferme, comme je disais, moins de 35 degrés. Et l'accès doit être facile, même si on ne le destine pas à être fréquenté, l'accès doit être facile au moins pendant les premières années suivant l'installation parce que une question d'entretien. Du moins, bon, être capable d'aller l'arroser jusqu'à temps que les plantes soient adaptées puis que le biotope créé soit autonome. Parce que c'est ça qu'on veut d'un toit, c'est qu'il finisse par être autonome. Ne pas avoir besoin de l'arroser. OK. OK. Fait que le choix pas besoin d'entretien à long terme. À long terme, après quelques années. Les premières années, il faut faciliter l'implantation des plantes, des racines, tout ça, les systèmes racines. Mais à un moment donné, il en arrive à un niveau d'équilibre quand les plantes ont été très bien choisies, puis en fonction du milieu. Mais à ce moment-là, après ça, il devient autonome. On n'a même plus besoin de l'entretien. Okay. On n'a même plus besoin de s'en occuper. Finalement. C'est ça, exactement. Je manque d'en profiter. Oui. Et au Canada, ben, les toits déjà sont conçus pour recevoir une charge de neige de 40 livres par pied carré. Puis un toit végétal vient rajouter, en plus de ça, entre 30 et 40 livres par pied carré. En substrat, en matériel, et aussi, on pense à l'eau qui est absorbée. Ouais. Donc, c'est pourquoi, au Canada, au Québec, les toits verts s'adressent surtout aux nouveaux immeubles. Pourtant, tu mentionnais qu'il existait plusieurs formes de toits végétalisés. N'y aurait-il pas moyen de choisir un système adapté aux conditions existantes sans avoir à refaire la structure du toit? Oui, oui. Pour les immeubles existants, c'est sûr que ça demande toujours une adaptation, une certaine consolidation, mais pour les immeubles existants, la stratégie de végétalisation des toits passe plutôt par des toits terrasses ou des toits jardins dont les plantations se font dans des bacs conçus expressément pour ça, comme par exemple les smart pots, les smart pas distribués par l'organisme ici à Québec, les urbainculteurs. Puis là, ces pots-là, finalement, on va les localiser à certains endroits de la toiture, près des murs porteurs notamment. Mais avant de le faire, on ne met pas des pots un peu partout qui pèsent quand même assez lourd. On doit faire appel à un professionnel du bâtiment qui, lui, va venir évaluer la capacité portante du toit. Puis, ben, il existe des techniques de toit vert extensif comparativement au toit vert intensif. Et comment est-ce qu'il se distingue? Bien, le toit vert extensif est doté d'un substrat qui est beaucoup plus mince, c'est-à-dire 20 cm ou moins. Il peut recevoir juste une végétation de petite taille, souvent plutôt monotone ou monospécifique, une seule espèce ou deux. C'est surtout des xérophytes, des plantes qui vont être adaptées à la sécheresse. Le toit vert extensif n'a généralement pas besoin d'irrigation, nécessite presque aucun entretien, si ce n'est pour s'assurer qu'aucune racine ne perce la membrane protectrice. Ouais, c'est et habituellement, il n'est pas conçu pour être accessible, ce toit-là. Moi, je les appelle les toits verts utilitaires, fonctionnels, plus même pas utilitaires, fonctionnels. Puis, tout indiqué, mettons, pour être implanté sur les vastes toits qu'on parlait tantôt à Sainte-Foy, là, les bâtiments industriels ou institutionnels. Donc, c'est un toit qui coûte moins cher. Les avantages sont les mêmes qu'un toit vert intensif, mais peut-être moins beau, en règle générale, moins agréable à fréquenter, sauf que, bon, on le plante vraiment à des fins d'absorption de la chaleur, limiter les frais de climatisation, etc. Les eaux de chaleur, effectivement. Et c'est ça, destiné à... C'est vraiment... fonctionnel. Pour la pratique, c'est ça, effectivement. C'est ça. Et en terminant, Geneviève, est-ce que tu as des exemples de toits verts à Québec? Oui, oui, il y en a de plus en plus. C'est vraiment, la ville de Québec s'est illustrée dès 1992 en matière de toits verts. Dès 1992? Oui, il y avait je pense que c'est le Suprema, un bâtiment Suprema qui avait déjà installé ça, vraiment chef de file. C'était très innovateur à l'époque. Oui, puis vraiment, Québec m'a toujours surpris parce qu'il y a des projets ici et là constamment. Depuis quelques années, on en voit de plus en plus. Je suis vraiment très contente. Bon, parmi les plus notoires là, dans les toits verts, à Québec, il y a le Centre de culture et environnement Frédéric Bac à Québec. Qui se trouve sur la rue de Salaberry, oui, ça? Oui, c'est ça, okay. Exactement. Le jardin d'herbe, le fameux jardin d'herbe du chef Jean Soulard au Château-Frontenac. Oui, on entend parler souvent, celui-là. Et voilà. On peut aller même le visiter l'été. C'est possible, non? Oui, c'est possible de le faire. Est-ce que ça manque des herbes ou il y a aussi autre chose? Oh, il y a toutes sortes de choses. Okay. Il est très, très fier. OK, c'est bien, ça. De son jardin. Il y a les toitures végétalisées de la coopérative d'habitation Vivre en ville dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Sur la rue Saint-Jean? Oui, OK. Exact. Il y a la toiture du stationnement en face du Parlement. Le stationnement, là, oui, Douville, en fait. Oui, c'est ça, je cherchais son nom. C'est ça, qui est recouvert, en fait, complètement végétalisé. Mais c'est un toit. Ça a vraiment l'air d'un terrain vague, oui. Ou ça, mais c'est un toit. Ouais, c'est bon. Un fait. C'est vrai que je n'avais jamais imaginé que c'était un toit végétalisé, mais c'est un fait. C'en est un toit. On parlait tantôt de intensif, extensif. Ça, c'en est un extensif. Okay. C'est vraiment plus, pas, je dirais, pas monotone, parce qu'il est quand même très bien fleuri. Uh-huh. C'est un, des, oui. vraiment des belles espèces oui. De fleurs. Mais c'en est un, ça, extensif. Ensuite de ça, lequel, le pavillon d'accueil, l'arboretum du domaine de Mézeray. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allé. Oui, il est très impressionnant, vraiment. Okay. Ça vaut la peine d'aller voir. Allez voir. Quand on descend au bout de la rue Sainte-Claire, qu'on descend en Basseville par l'escalier, oui. Bon, il y a la falaise apprivoisée, la côte d'Abraham. Oui, OK. Ouais. Mais il me semble qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils ont mis des treillis de métal là, pour retenir au moins le sol. Et pour le mur, là, tu penses ouais. au mur, mais ouais. sur le toit, il y en a un. Ah oui, le toit du stationnement qui est juste là. Oui, effectivement. Ça, c'en est un. Oui. La bibliothèque de Charlebourg, qui est une réussite, vraiment, c'est vraiment très beau. Mm-hmm. Je pense une belle réussite architecturale aussi hein. Vraiment, vraiment très bien. Le potager de la maison de l'Aube-Rivière, lui, il est très, très grand. Il a été réalisé par les urbainculteurs, justement. C'est 3200 pieds carrés, puis c'est un potager. Ça, c'est sur Saint-Paul, je pense. C'est au coin, en face des façades de la gare, là. Oui, c'est au ça. Au coin du charret, en dessous des échangeurs. D'accord, oui. Puis il y en a d'autres aussi, des particuliers qui ont ça chez eux. J'en oublie sûrement plein d'autres, là. Je suis désolée, parce que j'oublie. Mais c'est quand même toujours une bonne nouvelle d'apprendre qu'un organisme, une institution ou un propriétaire s'engage à réaliser un projet de toit vert. Moi, je suis contente de voir aussi qu'il y a des appuis, des incitatifs financiers aussi. Ça fait que vraiment, je trouve que c'est une belle mode. Alors, tout à fait. Qui devrait être encouragé de plus en plus. Puis espérons aussi que d'autres toits verts fleuriront à travers la ville et de par le monde. En fait, urbi et orbi, comme dirait le pape. Alors, merci Geneviève. Alors, merci. Nous allons maintenant, en fait, peut-être faire une petite pause musicale et on vous revient tout à l'heure. Alors, vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89,1.